Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber. Suite du cinquième chapitre. Quatrième douleur, rencontre de Jésus portant sa croix. Comme nous l'avons dit auparavant, il appartenait à la perfection du cœur de Marie qu'un élément de sa douleur n'en absorba ni n'en neutralisa aucun autre. Elle sentait chacun d'eux aussi complètement que s'il eût été simplement la douleur entière. Il la possédait sans qu'elle pût être distraite de cette possession. Chaque trait était comme s'il eût été la physionomie entière, le visage vu de face, de chaque douleur, et paraissait dans son cœur exprimer seule la plénitude du mystère. Ainsi la terreur ne détruisait aucune des circonstances affligeantes de cette quatrième douleur. Comme ce sentiment ne troublait pas la paix en Marie, de même il ne causait pas de confusion dans ses autres sentiments, ni n'émoussait sa susceptibilité. C'est toujours l'un des caractères des douleurs de Marie, qui les place au-delà de toute comparaison. Ainsi, dans l'occasion présente, c'était pour elle un surcroît de douleur qu'à l'exception de Saint Jean, les apôtres ne suivissent pas leur maître à la mort. Les grâces de chacun d'eux se présentaient alors à l'esprit de Marie, elle se rappelait les particularités de la vocation et toute la tendresse minutieuse et la généreuse indulgence de la part de Jésus, que cette vocation attestait. Elle voyait les paroles de la sagesse éternelle tomber pendant ces 3 années dans l'âme des apôtres, en leur communiquant les vérités les plus sublimes, avec la bonté touchante d'affectueuses admonitions. Elle voyait comment la toute-puissance s'était placée elle-même dans leurs mains par le don des miracles. Comme Marie, mais pendant moins d'années, eux aussi s'étaient nourris de la grâce et de la beauté de Jésus. Ils connaissaient l'expression merveilleuse de son visage vénérable. Le son de sa voix leur était familier. Le contact de ses mains, le regard de ses yeux, le sens même de son silence plein d'amour, tout leur était connu. Les charmes de Jésus les avaient attirés dans le cercle de son attraction. Elle avait été pour eux une seconde naissance, une vie nouvelle, un ciel anticipé. Pour employer la phrase de notre Seigneur, ils étaient rentrés dans le sein de leur mère, et étaient, pour la seconde fois, nés de Marie, frères de Jésus, image de Jésus. Marie savait qu'après la dignité de mère de Dieu, le monde ne renfermait pas de vocation aussi élevée que celle des apôtres du Verbe. L'éternelle sagesse était venue sur la terre, et, de tous ces millions d'âmes, elle n'en devait choisir que 12 qui connaîtraient ses secrets, qui réfléchiraient son image, qui tiendraient ses pouvoirs dans des vaisseaux de chair, et accompliraient l'œuvre qu'elle avait commencée. Les apôtres étaient plus que des anges, car aucun ange n'avait jamais porté au genre humain des messages tels que ceux qui leur étaient confiés, excepté la secrète annonciation de Gabriel à la Mère divine. Ils étaient des rois comme ils n'y en avaient jamais eu auparavant, car non seulement ils devaient conquérir la terre entière, mais leur trône était préparé autour de celui du grand juge. Aux yeux de leur maître, le sang d'aucun martyr n'était plus précieux que celui des apôtres. Aucun docteur n'a jamais atteint à leur science. Aucune vierge n'a égalé leur pureté, soit que ce fût la pureté de l'innocence ou celle de la pénitence. Nul confesseur n'a jamais confessé Jésus-Christ autant qu'eux, ou ne l'a confessé plus courageusement. Aucun évêque n'a employé les clés du ciel plus libéralement, plus discrètement, d'une manière plus irréprochable que les apôtres. Nul souverain pontife ne veut permettre qu'on l'appelle du nom de Pierre, parce que nul autre n'a porté la tiare du monde aussi glorieusement ou avec autant de douceur que cet apôtre. Et ces autres Christ, brillant des dons qu'ils avaient reçus, enrichis par les grâces, Ces âmes choisies de tout l'univers, ce nouveau paradis planté par Dieu, où sont-ils maintenant? Pierre était caché sur le mont des Oliviers, pleurant amèrement sa chute. Il n'alla au calvaire que dans le cœur de son maître et dans celui de Marie. Son amour n'était pas comme celui de Marie. Il ne pouvait supporter la vue des souffrances de celui qu'il aimait beaucoup plus que les autres ne l'aimaient. Le repentir et la honte même de sa chute le rendaient moins capable de supporter une si grande douleur. Les autres apôtres étaient cachés. Ils s'étaient enfuis de Gethsémani et étaient dispersés, en proie au chagrin, à l'incertitude et à la pitié, tandis que la force de leur amour livrait un combat douteux à la timidité de leur désespoir. Ils ont laissé Jésus à la foulée le pressoir. Lorsqu'il sera ressuscité, il ira les trouver avec son ancien amour, avec plus que son ancien amour, et ils n'entendront sa douce voix leur dire aucune parole de reproche, et ils ne verront aucun regard de reproche dans l'œil de Marie abandonnée. Jean seul est là, attiré par l'amour de son Sauveur pour lui, plutôt que poussé par son propre amour pour Jésus. L'absence des apôtres était une cruelle aggravation à la douleur de Marie. C'était pour elle une triple plaie, elle la blessait dans son amour pour Jésus. Marie savait quelle profonde blessure cette absence faisait dans le cœur sacré de notre Seigneur, elle voyait comment, bien plus que par la cruelle flagellation et le barbare couronnement, son bien-aimé était tourmenté par le cruel abandon de ceux qu'il avait plus aimés que le reste des hommes. Elle pouvait presque sonder l'angoisse que Jésus en ressentait. En outre, son propre amour pour Jésus subissait un cruel martyre en le voyant ainsi délaissé par ceux que leur fils même aurait dû conduire au calvaire. Par ceux qui auraient dû être les témoins du crucifiement de Jésus aussi bien que de sa résurrection. Il y avait là quelque chose d'inattendu, quoique connu d'avance. Il en est toujours ainsi de l'ingratitude, c'est un couteau dont le tranchant est si affilé que nous ne pouvons nous empêcher de tressaillir lorsqu'il nous blesse, quelque longue et douloureuse qu'ait été notre préparation. Nous excusons facilement les hommes qui pensent, quoiqu'à tort, qu'ils sont les victimes de l'ingratitude, et ainsi nous reconnaissons la violence de leur chagrin. Mais l'abandon des apôtres blessait aussi Marie en elle-même. Son propre amour pour les apôtres lui faisait apprécier l'amour qu'ils avaient pour elle. C'était un amour vrai et ardent, elle le savait. Pourquoi donc Jean était-il seul avec elle dans cette rencontre avec son fils chargé de la croix dans ce triste pèlerinage au calvaire? Un cœur brisé comme celui de Marie ne pouvait se passer d'aucun amour qui lui appartenait légitimement, et lorsque l'amour de Jésus pour elle faisait naître dans son âme l'amertume plutôt que la consolation, elle pouvait moins se passer d'un amour qui eût été simplement une joie, un repos, une consolation. Mais elle ne devait pas s'attendre à cet amour. C'est à elle de consoler et non de recevoir les consolations. Son fils était venu pour servir et non pour être servi. Il faut qu'elle participe à ce sublime office, il faut qu'elle vide son cœur de toute consolation pour la répandre sur le reste des hommes, et qu'elle garde pour elle-même ce qui lui appartient spécialement, ce que nul autre qu'elle ne peut recevoir, le poids inouï de son excessive douleur. Il lui eût été quelque peu plus aisé de monter sur le calvaire avec les apôtres autour d'elle, et cependant, par amour pour eux, elle était contente que Jean fût seul auprès d'elle, contente que les autres fussent exemptes de ce qui les aurait si fort accablés. Néanmoins, leur absence infligeait à son cœur une troisième blessure, par l'amour qu'elle-même avait pour les apôtres. Leur faiblesse était pour son amour une douleur cruelle, qui luttaient cependant avec celle que lui causait la pensée de tout ce qu'ils eussent souffert s'il eût été présent, comme le montrait leur faiblesse même. Elle s'affligeait encore en songeant combien ils s'affligeraient un jour eux-mêmes de n'être pas demeurés avec Jésus jusqu'à la fin. Elle gémissait de ce qu'ils se préparaient tant de regrets pour n'avoir pas été témoin de ces effroyables mystères. Il n'y avait aucune douleur dans le cœur de l'un d'eux qu'elle n'éprouvât dans le sien, car ils avaient pris en elle la place de Joseph, et elle répandait sur eux l'amour qu'elle avait répandu sur lui. Joseph avait été avec elle dans ses trois premières douleurs, pourquoi les apôtres étaient-ils absents de la quatrième? Et lorsqu'elle se faisait cette question, un torrent d'amour merveilleux, mais inutile, pour son époux qui n'était plus, s'échappait des sources de son cœur. Combien sont étonnantes les inventions de la souffrance produite dans le cœur par l'amour. Mais Judas était presque à lui seul une douleur spéciale pour Marie. Les révélations des saints nous apprennent quelles prières ardentes Marie avait faites pour cette âme misérable. Elle lui avait prodigué toutes sortes de bontés, comme s'il eût été pour elle plus que Pierre ou que Jean. Elle l'avait vu avec une horreur inexprimable suivre les degrés qui l'avaient conduit à la consommation de sa trahison. Elle avait vu de quelle horreur ce péché pénétrait le cœur de Jésus, et combien il eût fallu de flagellation pour faire éprouver à notre Seigneur autant de souffrances que celles que lui avait causé un seul baiser du traître en brûlant ses lèvres sacrées. Pendant quelque temps il semblait que Judas fût pour Marie plus même que Jésus, tant elle avait essayé de secourir l'apôtre prêt à faillir, et d'empêcher qu'il n'accomplît son épouvantable péché. D'ailleurs, nul ne pouvait connaître aussi bien que Marie l'immensité de ce péché. Quelle ruine, quel ravage ne voyait-elle pas dans les gloires divines, à la lumière du cœur de Jésus? C'est comme si elle eût été un témoin de la chute de Lucifer des hauteurs du ciel jusqu'à la profondeur inconcevable de l'abîme, qui est maintenant la demeure misérable et maudite de l'ange déchu. Quelque terrible que fût la pensée qu'un apôtre pût trahir Jésus, y avait encore quelque chose de plus injurieux pour l'honneur du Sauveur. Dans ce qu'après s'être souillé d'un crime si noir, Judas désespérait de la miséricorde de son maître, et doutait de l'infinité de son amour. Marie avait donc perdu une âme. Elle avait perdu un de ceux qui formaient sa famille si peu nombreuse. Jésus n'était pas le premier fils qu'elle dut perdre. Cette grande âme apostolique, ornée de dons semblables à ceux de tout un royaume d'anges, couronnée des splendeurs de la plus belle vocation de la terre, sanctifiée par le choix spécial de Jésus et par les prodigalités de son amour, avait péri dans le naufrage le plus effrayant et le plus désespéré. Il restait à Marie même certaines choses à apprendre, c'était là sa première leçon dans la perte des âmes. Si nous ressemblions davantage aux saints, nous comprendrions quelque chose de cette leçon. La passion commençait par perdre l'âme d'un apôtre, et finit par sauver l'âme d'un pauvre misérable larron. C'est ainsi que Dieu établit ses compensations. Mais nous avons maintenant à ajouter des horreurs physiques à l'agonie de l'esprit et du cœur. Elle commence dans la quatrième douleur et forme un de ses caractères les plus remarquables. Il y a peu de personnes qui aient lu un livre sur la passion, duquel elle n'ait désiré voir retrancher quelque chose. Ce désir n'avait pas pour cause la faiblesse de leur foi, mais la répugnance d'un goût naturel qui n'a pas été complètement rectifié par l'amour surnaturel, dont saint Paul divise d'une manière si expressive l'unique objet en deux. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Un amour vraiment pénitent ne s'effraie pas de la contemplation de ces terribles réalités que le Fils de Dieu condescendit à subir pour nous, et dans les horreurs desquelles nos péchés l'ont poussé. Quand notre adoration ne peut absorber la sentimentalité ou la revêtir d'un nouveau caractère, c'est un signe que nous manquons du vrai sens du péché aussi bien que du véritable amour pour notre Seigneur. Tout n'est pas bien dans une âme qui détourne son œil intérieur du crucifiement pour le fixer sur l'agonie secrète et mentale de Gethsémani, parce que les 3 heures de celle-ci sont exemptes des atrocités terribles des 3 heures de l'autre. Le respect ne nous permettra pas d'agir ainsi avec la passion de notre Sauveur, ni avec les douleurs de la Sainte Vierge. Le cœur brisé de Marie fut comme rassasié d'horreur physique. C'était là une partie de sa sanctification. Pendant tout ce jour-là, elle s'ouvrit une route à travers ses horreurs, en réprimant les sentiments de sa nature. Pour tout au monde, elle n'eût pas voulu que l'une d'elles lui fût épargnée. C'était une chose terrible pour une mère de parcourir les rues en marchant sur le sang de son propre fils, d'avoir ses propres pieds rougis par le précieux sang, et de sentir la perte de Judas toute récente dans son âme affligée. Elle voyait cette trace rouge que Jésus laissait derrière lui, et que la multitude mêlait avec la boue en l'atteignant d'une nuance sombre. Ce sang était sur leurs chaussures et, sur leurs vêtements. Il avait rejailli jusque sur les degrés des portes de leur maison et sur les jambes du cheval du centurion. Personne ne s'en inquiétait. Nul cœur n'était touché. Personne ne soupçonnait le mystère céleste que les anges contemplaient dans une stupeur silencieuse. Il fallait que Marie aussi marchât sur ce sang. C'était presque fouler aux pieds son propre cœur. Elle devait marcher sur ce sang qu'elle adorait, ce sang qui colorait la boue des rues, qui tachait les pavés, qui s'attachait avec la boue aux vêtements de la multitude. Ce sang était uni à Dieu d'une manière hypostatique. Ce sang méritait la plénitude de l'adoration divine. Marie l'adorait à chaque pas. Il n'y avait pas un endroit teint de ce rouge sombre, pas un vêtement déposé cette nuit-là dans un vestiaire et marqué des taches de ce sang, sur lesquelles une foule d'anges ne se penchasse et auprès desquels ils ne dussent rester jusqu'au moment de la résurrection. À coup sûr, c'est là un mal inexprimable sur lequel le cœur ne doit méditer qu'en silence. Dans cette douleur, nous devons aussi remarquer d'une manière particulière ce qui a été observé auparavant, l'union en Marie de l'horreur du péché et d'une cruelle angoisse à cause du malheur des pécheurs. Elle envoyait quelques-uns qui portaient les mains sur notre Seigneur ou qui le poursuivaient de leurs cris, dans la plus complète ignorance et sans le moindre soupçon de l'œuvre terrible à laquelle ils coopéraient. C'étaient des pécheurs endurcis par l'impiété, qui péchaient presque comme ils respiraient l'air ou remuaient leurs membres. Alors surtout que les âmes commençaient à lui appartenir, Marie souffrait à la vue de toute ignorance de Dieu. Mais l'ignorance d'une conscience endurcie était pour Marie une souffrance trop grande pour les larmes, un phénomène qu'elle eût ardemment désiré de voir disparaître de la face de la terre. Où trouver le remède à de pareilles ténèbres? L'éternelle vérité les regardait alors en face, et l'aveuglement n'était que plus profond et puis, il y en avait d'autres dont la malice était plus intelligente, qui satisfaisaient sciemment quelques mauvaises passions, la haine de la pureté peut-être, le dépit du mensonge contre la vérité, l'envie qu'excite toujours une douceur céleste et héroïque, la vengeance politique, une colère depuis longtemps amassée contre celui qui les avait censurés, le simple amour de la cruauté, ou l'accès de fureur que l'odeur du sang cause chez l'homme aussi bien que chez la bête sauvage. Tout cela, Marie le voyait, elle tremblait à l'horreur de cette vue. Elle était frappée au cœur, à la pensée de cet agneau doux et irréprochable, contre qui se concentrait toute cette fureur et cette cruauté. Son cœur était en même temps en proie à l'angoisse la plus cruelle, à cause de son amour pour les pécheurs eux-mêmes. Elle n'aurait pas prié, comme Jacques et Jean voulaient le faire, pour que le feu du ciel descendît sur le village samaritain. Elle ne désirait pas de jugement. Elle aurait cherché à empêcher, par ses prières les plus saintes et les plus efficaces, la venue d'un ange de destruction. Il faut qu'elle ait ses âmes. Elle a perdu Judas et demande à être consolée. La lumière de la foi sera versée dans ces esprits où règnent les ténèbres. Sur ces âmes tachées de sang, ce même sang adorable coulera et coulera encore, mais ce sera en de douces et fécondantes absolutions. Le Saint-Sacrement sera déposé sur celle en qui blasphème. Marie travaillera péniblement pour ses âmes jusqu'à ce qu'elles renaissent dans le Christ. Ainsi elle monte aussi au calvaire avec une œuvre à accomplir. Regardez bien son cœur. Il accomplira sa tâche. Il n'y a guère de choses que la sainteté de la douleur humaine ne puisse faire, et Dieu semble la traiter comme une puissance égale à la sienne. Mais ici, dans notre Sainte Mère, quelle sainteté, quelle douleur! Alors, comme si le contraste même l'eût évoqué, se présentait à l'esprit de Marie la vision vont la plus claire de la ravissante enfance de Jésus. Il est vrai que, dès le commencement, sa vie avait été troublée par une affliction continuelle. Néanmoins, combien paisible et doux lui paraissaient les anciens jours de Nazareth, ou même les brises du soir sur les rives lointaines du Nil, comparées, la violence, au bruit et à l'effusion de sang de ses terribles passions. Autrefois, lorsqu'elle entourait Jésus de ses bras, elle pressait à la fois sur son sein sa douleur et son amour. Elle avait eu de doux entretiens avec Jésus. Jésus n'appartenait qu'à elle seule, car pour elle Joseph était véritablement un autre elle-même. Maintenant elle avait fait don de Jésus, non seulement en pensée, et dans la tranquillité d'une intention héroïque, mais en réalité. Non seulement il était dans les mains des autres, mais il était éloigné des siennes. Chacun pouvait s'approcher de lui, excepté elle. Elle seule avait perdu ses droits. Chaque action de la sainte enfance se représentait aux yeux de Marie dans un cruel contraste avec la scène qui se passait dans les rues de Jérusalem. Marie se rappelait comment elle avait lavé Jésus, comment elle l'avait couvert de vêtements, comment elle l'avait nourri, endormi, comment elle s'était agenouillée, elle avait adoré pendant qu'il dormait, quoiqu'elle sût bien que même alors il pouvait l'avoir. Chacune de ces choses avait son contre-pied d'une exactitude terrible dans le chemin de la croix. La terre, le sang et d'ignobles crachats souillaient le visage, les mains et les pieds de Jésus. Sa chevelure, dont des poignées avaient été arrachées, était tachée de sang coagulé, mêlé et en désordre. Sa tunique s'attachait douloureusement au sang coagulé de ses plaies. Hélas, qu'étaient devenues ces ablutions de son enfance et les services respectueux de sa tendre mère? Nous y reviendrons dans la sixième douleur. Combien alors les circonstances seront changées? Ils ont une fois arraché ses vêtements de ses plaies, et les ont fait saigner de nouveau. Ils le feront encore sur le sommet du calvaire. Ce n'était pas ainsi que Marie ôtait les vêtements de Jésus dans le paisible sanctuaire de Nazareth. Depuis le soir du jour précédent, Jésus n'avait eu d'autres aliments que les péchés des hommes et un véritable festin d'ignominie. Il était accablé par le manque de sommeil, mais il ne dormira plus jamais. Marie pensait aux larmes qui coulaient en silence sur les joues de Jésus, dans les jours de son enfance. Pourquoi n'avait-elle pas racheté le monde? Elle avait tous les péchés, puisque leur prix était infini. Combien, À cette heure, la mémoire maternelle était active à former des comparaisons et des contrastes, dont il n'y avait pas un seul qui n'accrût la misère de l'heure présente. Pouvait-elle être une simple mortelle, elle qui montait au calvaire avec tant de calme et de conformité à la volonté de Dieu, et ne permettant pas à son cœur brisé de laisser exhaler le moindre souffle de sa tranquillité? Oui, elle était mortelle, mais elle était aussi la mère de l'Éternel, et les cœurs qui aiment savent seuls comment ces deux choses se contrarient l'une l'autre, et sont vraies en même temps. Telle fut la quatrième douleur. Examinons maintenant les dispositions dans lesquelles Marie l'endura. D'abord, il faut remarquer la générosité de l'oblation faite, qui, une fois faite, ne se rétracte plus. Au milieu de la multitude des pensées qui, dans toutes les douleurs de Marie, traversèrent son esprit, sa volonté demeure calme. Marie était si complètement revêtue de sainteté, de la tête jusqu'aux pieds, qu'il ne lui arriva même jamais de penser que son fardeau pût être allégé, ses angoisses adoucies ou les circonstances disposées d'une manière plus tolérable. Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous nous livrons pour endurer plus que nous ne pouvons prévoir. Lorsqu'il disait qu'il pourrait boire le calice de son divin maître, Jean n'avait pas compté sur les longues années de sa pénible attente dans l'exil de la vie. Il en est ainsi pour nous tous. Nous trouvons que ce que Dieu exige en réalité de nous est plus que nous n'avions semblé promettre. Plus Dieu nous aime, plus il devient exigeant. Il nous traite comme si nos cœurs étaient magnanimes à un plus haut degré qu'ils ne le sont, et par sa grâce il les rend tels. La Sainte Vierge mesurait mieux que personne l'eût jamais fait la grandeur et l'étendue de son oblation. C'est elle à ce qui rendait son affliction continuelle beaucoup plus réelle et plus vive qu'elle ne l'eût été chez un prophète ou chez un saint, à cause de leur simple prévoyance. Néanmoins, quoiqu'elle connût tout, elle ne voyait pas toute la réalité. Probablement elle ne pouvait pas embrasser dans une seule vue, quelque claire qu'elle fût, cette lente pression que le cours du temps fait éprouver au cœur affligé. Ainsi, dans sa totalité, dans la disposition des circonstances, dans la combinaison de ces détails, leur pression réunie, et les longues années de leur durée, aussi bien que dans les impressions actuelles des sens, la douleur de Marie n'était pas plus que ce qu'elle avait entendu promettre, parce qu'elle avait entendu promettre tout, parce qu'elle avait eu l'intention de se donner au Seigneur comme un holocauste, une victime complète. Mais cette douleur était peut-être plus grande qu'elle ne l'avait vue en réalité au moment de sa promesse. Marie est une créature. Nous avons besoin de le rappeler, car la magnificence de sa sainteté fait qu'il nous arrive souvent presque de l'oublier. Saint Denis dit qu'il aurait à peine su que Marie était une simple créature, si on ne le lui eût appris. Or, cette considération rend encore plus étonnante la générosité sans regret de l'offrande de Marie. Si elle n'était prise inopinément dans aucune de ses offrandes, cependant elle sentait de nouvelles choses s'avancer vers elle. Elle s'enfonçait dans des abîmes plus profonds que ce qui lui avait été révélé. L'horreur actuelle du présent éteignait une partie de la lumière qu'il avait éclairée pour descendre dans les abîmes, lorsqu'elle les avait explorées seulement dans les angoisses de son esprit. Et cependant elle continuait à s'avancer avec calme. Dieu était bien accueilli par Marie dans tout ce qu'elle souffrait. Il l'eût été également dans de plus grandes souffrances, si sa toute-puissance eût jugé à propos de retremper le cœur de la Sainte Vierge pour lui faire supporter un feu plus ardent. Une seule fois, un cri lui était échappé. C'était dans un moment terrible. C'était dans le grand temple de la nation, devant les docteurs du peuple. Mais ce cri, Le Créateur lui-même l'avait arraché à Marie en partie parce qu'il désirait verser sur elle un monde de grâce, en partie parce que son oreille devait se complaire dans l'adoration merveilleuse qui s'y trouvait renfermée. Job s'est sanctifié par la patience de ses plaintes. Pour nous, qui sommes si bas, combien la vertu de Job semble facile à imiter, si nous la comparons à la patience généreuse de Marie dans ses souffrances. Même de grands saints ont commencé à s'enfoncer dans les eaux quand ils étaient appelés, comme Pierre, à marcher sur la surface. Et nous-mêmes, au milieu de nos faibles souffrances, combien il nous est difficile de rester fidèles à Dieu, de ne pas nous détourner de lui et de ne pas chercher notre repos dans les créatures, en leur demandant de faire entendre à nos oreilles des consolations qui soient pour nous comme un répit à l'oppression que nous fait éprouver la proximité de Dieu. Notre persévérance ne ressemble-t-elle pas à un combat où la grâce et le temps s'élancent l'un contre l'autre, au hasard de gagner ou de perdre, de donner ou de recevoir le dernier coup quand sonnera la dernière heure? Mais les saints, qui sont les plus indulgents pour les autres, ne sont-ils pas ceux qui ont été les plus durs pour eux-mêmes? N'est-ce pas toujours celui qui est le moins mortifié qui est le plus enclin à censurer? Ceux qui s'abaissent le plus ne sont-ils pas toujours ceux qui ont à s'abaisser de plus haut? C'est ainsi que pour nous, qui rampons dans la poussière, tremblants, effrayés, désespérés, Marie ne sera qu'une meilleure mère, à cause de la sublimité de sa générosité, toujours élevée au-dessus des nuages, toujours couronné de la lumière éternelle. Il faut observer aussi la fermeté avec laquelle la Sainte Vierge contenait sa douleur. Heurtée et coudoyée par la foule, elle semblait impassible. Aucun de ses gestes ni de ses mouvements ne trahissait la plus légère émotion intérieure. Quand les hommes la repoussent loin de Jésus et s'interposent cruellement entre les embrassements de la mère et du fils, elle ne montre aucune impatience dans ses manières, aucun ressentiment sur sa figure. Nulle plainte ne s'échappe de ses lèvres. Elle est parfaitement maîtresse de son âme. Les mouvements des bienheureux, en la présence visible de Dieu dans le ciel, ne peuvent être plus réguliers que ne l'étaient les siens. Saint Ambroise s'est étendu longuement sur cette qualité éminente de Marie. Cependant, il ne faut pas représenter notre Sainte Mère comme une belle et froide statue, qui ne descendait jamais de son piédestal, comme si elle était de marbre céleste, et non de chair et de sang. Des statues n'ont pas le cœur brisé. Ce calme imperturbable de la conduite de Marie venait de la sublimité de sa sainteté, qui avait pour cause, dans une grande mesure, la violence de sa douleur. Chez Marie, l'excès de sa souffrance paraissait surhumain uniquement parce que ce qui est complètement, parfaitement et exclusivement humain ne se voit nulle part qu'en Marie. Telle est l'image que nous devons toujours nous former de la sainte. Elle est une femme, vraie femme, mais non une simple femme. Nous la dégraderions de beaucoup dans nos esprits si, pour tracer son image avec plus de facilité ou produire plus d'effet, nous nous hasardions à exagérer en Marie l'élément féminin au-delà de ce que nous le montrent les évangiles. Il est aisé de défigurer l'image de Jésus. Quand les hommes parlent de sa compassion pour les pécheurs, ils introduisent souvent dans leur récit une sentimentalité qui est bien éloignée de la douceur calme de l'Écriture. Ils croient le rapprocher de nous en le rendant aussi semblable à nous-mêmes que la science le leur permet, et, pendant tout ce temps-là, ils creusent un abîme infranchissable entre lui et nous, et l'éloignent à des milliers de lieues. Malheureusement, il est encore plus facile d'abaisser ainsi la Sainte Vierge, elle n'a pas de divinité pour la sauver. Une Marie toute féminine n'est pas la Marie de la Bible, elle, n'est pas non plus simplement une ombre de notre Seigneur, et ses mystères ne sont pas une répétition des siens? Si nous nous efforçons d'établir quelques parités, même en conservant des degrés, entre elle et notre Seigneur, nous ne faisons que toucher à tort à notre Seigneur, sans élever réellement Marie. Elle n'avait pas de nature, sa personne n'était pas divine, elle n'était pas le Rédempteur du monde. Elle ne s'était pas revêtue de nos péchés. La colère du Père ne s'est point appesantie directement sur elle. Son innocence n'était pas l'impeccabilité de Jésus, sa compassion n'était pas la passion de Jésus. Son assomption n'était pas l'ascension de Jésus. Elle demeure à part. Elle a son propre sens, sa propre signification. Elle est une grandeur distincte dans la création de Dieu. On ne peut lui comparer personne. Jésus ne peut être mis en parallèle avec elle ni elle avec lui. Elle remplit la place d'un vaste monde dans l'univers de Dieu, mais la place qu'elle remplit n'est pas celle de l'humanité sacrée de Jésus et n'y ressemble même pas. Elle est Marie. Elle est la mère de Dieu. Elle est elle-même. Elle se rapproche de Dieu, et cependant elle est en tout point créature. Elle est sans péché. Et cependant entièrement humaine en personne et non divine, humaine par nature et non divine. Ceux qui la représentent comme l'ombre ou comme une pâle copie de notre Seigneur changent ainsi son sexe et abaissent la réalité. Ils se méprennent sur la grandeur réelle de Marie autant que sur la magnificence particulière de l'incarnation. Ainsi arrive-t-il que si, pour peindre ses afflictions avec des couleurs plus vives, nous exagérons ce qui en est les féminins, nous atteignons au même résultat que ceux qui persistent à vouloir trouver en elle toutes sortes de fausses égalités avec son fils, c'est-à-dire à une image aussi indigne que mensongère de Marie. Elle est plus semblable au Dieu invisible qu'au Dieu incarné. On pourrait la comparer avec plus d'exactitude avec ce qui est purement divin qu'avec ce qui est divin et humain tout ensemble. Elle est une créature revêtue du soleil éternel, comme Saint Jean la vit dans l'Apocalypse. Elle est la copie créée la plus parfaite du Créateur. Comme l'union hypostatique lie d'une manière littérale le Créateur et la créature, de même Marie. La créature divinement parfaite et pure, est comme le cou qui relie le corps entier des créatures à leur tête divine incarnée. Marie a sa propre place et son sens propre dans le système de l'univers. Elle ne ressemble à nul autre. Nulle autre créature ne lui ressemble. Ce à quoi elle ressemble le plus, c'est au Créateur incompréhensible. Ainsi, de ces trois éléments dont l'idée de Marie se compose dans notre esprit, l'élément féminin, l'élément de l'union hypostatique et l'élément divin, c'est ce dernier qui semble dominer sur les autres, tandis que tous les trois sont mêlés ensemble d'une manière si inextricable que nous ne pouvons en détacher un seul sans faire injure à la vérité. Il ne faut pas non plus que nous omettions de mentionner ici l'union des douleurs de Marie avec celle de notre Seigneur. Nous avons déjà parlé de cette union, mais un trait nouveau et très significatif de cette disposition de la Sainte Vierge se présente dans la quatrième douleur. Il nous est accordé une si miséricordieuse union entre notre Seigneur et nous-mêmes, entre le Rédempteur et ceux qui ont été rachetés, que nous pouvons, non en simple imagination comme par une opération intellectuelle de la foi, mais en réalité, unir nos souffrances à celles de notre Seigneur, et les rendre ainsi méritoires pour la vie éternelle. Ce qui distingue surtout les saints de nous, c'est que cette union était en eux plus parfaite. Des théologiens disent que la grande différence entre la condition des bienheureux dans le ciel et celle des élus sur la terre est que, sur la terre, l'âme s'unit à Dieu par la pratique de plusieurs vertus, tandis qu'au ciel Jésus-Christ est l'unique vertu des bienheureux, le lien qui les unit au Père. Il a été accordé à quelques saints, dans une certaine mesure et par un don tout à fait particulier, de jouir par anticipation, sur la terre, de cette particularité céleste, et d'être revêtu d'une manière tout à fait extraordinaire de l'esprit même de Jésus. On dit que le cardinal de Bérulle avait le don de communiquer à un degré subordonné cet esprit aux âmes qu'il dirigeait. Assurément aucun saint, ni même tous les saints réunis, ne possédèrent jamais l'esprit de Jésus d'une manière si voisine de l'identité que sa Sainte Mère. Aussi, dans toutes les douleurs qu'elle eut à endurer, Marie souffrit-elle dans l'union la plus inexprimable avec Jésus. Mais dans sa quatrième douleur, la réalité invisible de la vie spirituelle semble remonter à la surface et passer dans les faits extérieurs, dans l'actualité de la vie extérieure et sensible. Les souffrances de Marie et celles de Jésus devinrent presque impossibles à distinguer les unes des autres, presque identiques dans le fait aussi bien que dans le sentiment, dans la réalité aussi bien que dans la foi, dans la patience à souffrir aussi bien que dans l'amour. C'étaient les souffrances de Jésus qui faisaient souffrir Marie. Elle souffrait de la même manière qu'il souffrait. Les dispositions de Jésus étaient, celles de Marie, c'était même plutôt en lui qu'elle souffrait qu'en elle-même. Les souffrances de l'un étaient celles de l'autre, elles étaient celles de Marie seulement comme étant celles de son fils. Et les souffrances de Marie faisaient souffrir Jésus, elles étaient pour lui les plus cruelles de ses propres souffrances. Il souffrait en elle comme elle souffrait en lui. Ils échangeaient leur cœur ou vivaient dans le cœur l'un de l'autre pendant tout le temps de la route de Jésus vers le calvaire. Marie semblait avoir dépouillé sa personnalité, et être devenue pour Jésus une seconde capacité multipliée pour la souffrance. Jamais union ne fut plus complète, jamais auparavant la vie intérieure et mystique de l'âme, et la vie extérieure et présente des faits tangibles n'avaient été si identiques. Pour exprimer cette union, nous n'aurions pas de termes qui ne confondissent en même temps la mère dans le Fils, et qui ainsi ne fussent contraires à la vraie doctrine, contraires à la foi et à la vérité. En parlant des particularités de cette quatrième douleur, nous avons déjà vu combien l'horreur qu'elle ressentait à la vue et au moindre son du péché, était unie, dans l'âme de la Sainte Vierge, avec la tendresse la plus inexprimable pour les pécheurs. Mais, dans nos méditations, nous ne devons pas oublier d'assigner à ce sentiment la place qui lui est propre parmi les dispositions de Marie. C'est seulement pour méditer plus facilement que nous traitons séparément de deux choses qui, en réalité, ne sont jamais désunies, c'est-à-dire des particularités de chaque douleur, et des dispositions dans lesquelles la Sainte Vierge les supportait. Ces deux fleurs croissent sur la même tige, et sont souvent la même fleur sous des noms différents. Dans sa quatrième douleur, notre Sainte Mère avait encore une autre disposition, qui était un effet de sa sainteté éminente. Dans l'étendue de l'affliction qui pesait sur elle avec tant de force, et qui, comme nous pouvons le présumer, était si variée dans ses objets, elle ne voyait rien que Dieu seul dans le foyer lumineux de son âme. Toutes les causes secondes disparaissaient dans cette lumière. Elles étaient englouties dans la vue unique que Marie avait de la cause première. Il n'y avait ni Pilate, ni Hérode, ni Anne, ni Caïphe, mais Dieu seul, avec sa douce et irrésistible volonté qui découlait de lui-même, et qui remplissait tous les replis et tous les recoins où, autrement, quelque chose d'humain eût peut-être été visible. Si cependant les causes secondes étaient présentes, c'était de loin, au dernier plan, couverte par le nuage gracieux et douée des intentions miséricordieuses de Dieu, ou bien derrière les vapeurs que ses rayons et sa chaleur soulèvent toujours quand elle tombe sur la terre. C'est là la grande unité de vision que les saints cherchent continuellement avec effort, et à laquelle ils atteignent à peine, même au milieu des nombreux prodiges de leur sainteté, à la fin d'une longue vie d'exercice ascétique et d'épreuves surnaturelles. C'est une grâce avec laquelle Marie avait commencé et dont elle avait toujours fait usage, et, dans cette douleur, cette grâce fut soumise à une épreuve spéciale, parce que l'affliction tenait beaucoup plus de la vie extérieure et était produite par une foule beaucoup plus grande de circonstances et d'agents extérieurs, que cela n'avait eu lieu dans aucune autre des douleurs précédentes. Si en Marie l'exercice de toutes les vertus était héroïque, souvent il était plus qu'héroïque, il était divin. Ainsi, maintenant, dans cette vision unique de Dieu seul, il y avait eu nombre de son occupation sainte et éternelle avec lui-même, occupation qui appartient à celui qui ne peut avoir d'autre fin que son adorable personne elle-même. Peut-on s'étonner que tant de douceur, tant de patience, tant de soumission, tant de tendre amour pour les pécheurs, tant d'ineffable effusion d'amour sur Jésus, vint d'une grâce dont les racines étaient si profondes, et qui s'élevait si haut dans les montagnes de Dieu lui-même? Cette quatrième douleur nous donne aussi de nombreuses leçons pour nous-mêmes. Toutes les douleurs de Marie nous ont conduits jusqu'ici à travers d'étranges réalités, car c'est le propre de l'affliction, plus que toutes les autres choses de la vie humaine, plus même que l'amour, de donner une solidité particulière aux choses qui l'entourent. Mais ici la réalité devient plus grande. Les objets réels prennent plus de consistance encore en faisant partie de ce dernier terrible drame dans lequel le salut du monde fut accompli au prix incalculable de la souffrance, de l'ignominie et de l'agonie. Ces trois fontaines de l'humanité sacrée furent vidées et mises à sec par ce qu'en tira pour les péchés des hommes la justice la plus miséricordieuse. Dans le corps de Jésus les abîmes de la douleur furent vidés, dans son esprit toute la possibilité de l'ignominie, dans son âme les profondeurs de l'agonie intellectuelle et morale. Nous avons vu les souffrances de Marie passer presque dans celles de Jésus, et celles de Jésus revenir à Marie. Avons-nous une participation à cette réalité? Oui, nous en avons une d'où devraient couler sans cesse les sources brûlantes de la dévotion. Nous étions nous-mêmes une partie des douleurs de notre mère, parce que nous étions une partie réelle de la passion de notre Sauveur. Ainsi ces douleurs cessent d'être pour nous de simples faits historiques. Ce ne sont pas de simples dévotions qui nous attirent parce qu'elles sont touchantes. Ce ne sont pas seulement de beaux pathétiques tableaux par lesquels l'Écriture sacrée se plaît à rehausser parfois les aimables mystères de l'incarnation et à revêtir d'un nouvel intérêt ce qui déjà échauffe notre foi et ravit notre amour. Nous nous sommes fait sentir dans ces douleurs dont nous avons nous-mêmes été une partie, nous y étions alors des agents, et nous n'en sommes pas maintenant simplement spectateurs. Il y a une culpabilité qui s'attache à nous, or la douleur qui vient du péché et de la honte est autre chose que celle qui vient d'une pitié gratuite ou d'une compassion affectueuse. Et elle agit autrement que cette dernière sur nos relations avec notre Sainte Mère. En effet, elle change notre position. Elle fait de notre dévotion une partie de notre pénitence, au lieu d'un libre sentiment de notre propre choix religieux ou de pieuse fantaisie. Il y a dans le culte des dévotions où nous pouvons nous laisser guider par le goût, mais celle dont nous parlons est une dévotion à laquelle nous engage la justice et le devoir. L'amour qui vient après avoir reçu le pardon sait ce qu'il a à faire. Madeleine se dresse à jamais devant nous dans l'Église, pour nous dire que nous devons aimer beaucoup, nous à qui il a été beaucoup pardonné. Nous avons été cruels pour notre mère, et quand nous l'avions blessée et que l'arme était encore dans nos mains, elle nous a pressés sur son sein. Sans nous laisser attendrir, nous lui infligions injure sur injure, et pour chaque injure elle nous donnait de l'amour nouveau, toujours de l'amour. Cette fois nous avons blessé son cœur. Cette fois nous avons pris part à ses principaux mystères d'affliction. Cette fois nous nous sommes tournés contre elle quand elle nous aimait comme jamais mère n'avait aimé auparavant. Mais 70 fois cette fois serait encore loin d'exprimer la somme des grâces qu'elle a obtenues pour nos âmes stériles et ingrates. Assis dans les jours de ses douleurs, nous avons été pour Marie une réalité, le moins que nous devions n'est-il pas de faire que ses douleurs soient maintenant une réalité pour nous? Chaque matin nous recommençons la vie. Nous sortons de nos demeures pour rencontrer un nouveau jour à son passage dans l'éternité. Ce jour a beaucoup à nous dire et beaucoup à entendre de nous. Il porte son récit à Dieu, au coucher du soleil, et sa parole est entendue, et la mémoire de son message conservée jusqu'au jour du jugement. Ne serait-ce pas un jour stérile que celui dans lequel nous ne rencontrerions pas notre Seigneur? Car n'est-ce pas là le véritable but de notre vie? Si le jour est destiné à être éclairé par le soleil, il n'est qu'un demi-jour, ou plutôt il est la nuit quand le soleil matériel y brille seul. Quand le soleil de justice, portant sur ses ailes la santé spirituelle, ne se lève pas aussi sur nous. Nous allons à la rencontre de Jésus dans chaque action de la journée. Mais il nous faut la quatrième douleur de Marie pour nous avertir que nous ne devons nous attendre que rarement à le rencontrer, si ce n'est avec une croix, et une croix nouvelle. Quand nous sommes dans l'affliction, Jésus lui-même s'approche et marche avec nous, comme il le fit avec ses disciples sur la route d'Emmaüs. C'est là le privilège de l'affliction. L'affliction est pour notre Seigneur un attrait auquel il peut rarement résister. Pourvu que nous ne cherchions pas d'autre consolation qu'en lui, il ne manque pas de s'approcher de nous et de nous consoler lui-même. Aussi des âmes inconsidérées savaient seulement quelle grâce elles manquent d'obtenir en racontant leurs chagrins et en laissant à leurs semblables le soin de les consoler. Combien les saints se multiplieraient dans l'Église de Dieu. Nous lisons la vie des saints personnages, et nous nous demandons avec étonnement comment ils ont jamais pu parvenir à un tel degré d'union avec Dieu, tandis que nous soupçonnons peu que nous avons eu assez d'affliction pour nous conduire encore plus loin qu'eux, mais que nous n'avons pas voulu attendre Jésus, et que si ce n'est pas à lui que nous confions d'abord nos peines. Il enverra peut-être ses anges nous consoler, mais ne viendra pas lui-même. Mais quand nous prenons l'initiative, quand nous allons nous-mêmes au-devant de Jésus, quand nous agissons ainsi par nos promesses dans la prière, par notre profession ouverte de piété, par notre vocation ecclésiastique, par notre profession religieuse, par les œuvres de miséricorde auxquelles nous nous livrons habituellement alors, c'est toujours avec la croix que nous rencontrons Jésus. Pourquoi alors sommes-nous si étonnés que des croix nous arrivent? S'il en est si souvent ainsi, ne voyons-nous pas que c'est une loi du royaume de la grâce, et que ne pas la percevoir c'est perdre la moitié de ses bénédictions en manquant d'une prompte obéissance? Nous nous mettons dans les bras de notre Père Céleste, ne sachant pas ce qui va venir, sachant seulement que ce qui va venir sera au-dessus de ce que nous pourrions supporter sans le secours de Dieu. Restons donc où nous sommes alors, et ne nous laissons pas entraîner par surprise à rétracter l'offrande que nous avons une fois faite. Quelle croix rencontrerons-nous aujourd'hui? Nous ne le savons pas. Quelquefois nous ne pouvons le deviner. Mais nous savons que si nous rencontrons Jésus, nous rencontrerons une croix, et que le soir nous trouvera avec ce fardeau sur nos épaules. Rappelons-nous seulement cette particularité invariable de ces rencontres, et alors, si nous sommes respectueusement prudents à promettre, nous serons aussi respectueusement fermes à tenir nos résolutions. Quelques hommes rencontrent Jésus, et se détournent. Quelques-uns l'aperçoivent de loin, et prennent aussitôt une autre route. D'autres arrivent près de lui, et s'élancent dans le précipice qui est à côté, comme si Jésus était un ange de destruction qui obstrua le chemin. Il y en a qui passent à côté de lui, en feignant de ne pas le connaître. Jésus, chargé de sa croix, a parcouru aujourd'hui des milliers de routes sur la terre, mais bien peu lui ont fait un honorable accueil. La foi et l'amour ont rendu quelques hommes trop timides pour passer à côté de lui et l'éviter, mais ils ont discuté avec lui au sujet de la croix, et ils ont pleuré, tout haut, quand il a persisté à vouloir les en charger. D'autres le suivent avec l'humeur chagrine d'une obéissance servile. Ils traînent leur croix qui, en se heurtant contre les pierres, les blesse encore davantage, et ils tombent. Mais leurs chutes ne sont pas en union avec les trois chutes de Jésus sur l'antique chemin de la croix. Il y en a bien peu qui se prosternent avec l'empressement d'une joyeuse surprise, qui baisent les pieds de Jésus, qui ôtent la croix de dessus ses épaules, la placent presque avec enjouement sur les leurs, marchent à côté de Jésus en chantant des psaumes avec lui, et sourient tout en chancelant sous leur fardeau. Mais, pour cela, que le soleil couchant de ce jour est beau. Ils le contraignent de s'arrêter, en lui disant « Demeurez avec nous, car le soir commence à venir, et le jour est sur son déclin. » Et il entre avec eux, c'est là ce que nous devrions faire. Le pouvons-nous? Non, mais nous pouvons l'essayer, et alors Jésus le fera en nous. Mais il nous rencontre avec la croix. Cela implique beaucoup, cela implique qu'il faut que nous nous détournions de notre ancienne route, et que tout le chemin que nous avions parcouru avant de rencontrer Jésus n'était qu'une dissipation de nos forces et qu'un voyage sans fruit. Nous ne pouvons porter nos croix que d'une manière, c'est-à-dire tournées vers le ciel. Elles tiennent nos visages tournés dans cette direction, elles nous poussent vers le haut de la colline. Si nous descendions, elle nous renverserait, tomberait lourdement sur nous, et nous tuerait. Les visages de tous ceux qui portent leur croix sont tournés d'un seul côté. L'extrémité, qui est destinée à entrer dans la terre, se dirige vers la terre. La traverse de la croix qui est sur nos épaules, regarde le ciel et s'y dirige, quelque peu ferme que nous soyons. De même que l'aiguille aimantée qui, toujours tremblante, fidèle et respectueuse, se dirige vers le pôle. Ne laissons donc pas l'occasion nous échapper, mais prenons sur le champ notre croix, tournons-nous et suivons Jésus, car c'est ainsi seulement que nous ferons partie de la procession des prédestinés. Mais la quatrième douleur de Marie nous apprend encore davantage. Elle nous enseigne qu'un long repos est le terrain qui fait face à de grandes croix. Des croix extraordinaires suivent une tranquillité extraordinaire. Plus grande est maintenant la paix, plus grande sera bientôt la croix. C'est là une de ces leçons qui sont connues de tous, sans que personne se les rappelle. Sur 33 ans, 21 ans s'écoulèrent entre la dernière douleur de Marie et la Passion. Combien de fois la même chose ne nous arrive-t-elle pas à nous-mêmes? Elle nous arrive, en partie, parce que Dieu nous donne quelque temps pour respirer, afin que nous fassions le mieux possible fructifier les grâces reçues, que nous gagnions ainsi de nouvelles forces, et que nous nous recueillions pour des actions plus grandes, en partie, parce que les grâces passées qui renferment des prophéties et la préparation de grâces encore à venir, exigent du temps pour se développer et s'établir dans l'âme. Sa croix nous arrive aussi à la fin de ces temps de tranquillité, pour consolider les grâces que nous avions reçues, pour que l'âme en acquiert une possession permanente, et pour les couronner avec la croix, qui est l'unique récompense en deçà du tombeau. Une grâce qui n'a pas été comprimée, fixée, mûrie par l'affliction, semble à peine nous appartenir, si ce n'est comme chose éventuelle ou transitoire. C'est tout au plus un revenu, et non un capital. Le raffinement de la douleur est le dernier progrès de la grâce, qui, après cela, devient de la gloire par le fait seul de sa conservation. Celui qui oublie la venue de la croix prodigue son repos. Il manque aux fins pour lesquelles le calme lui avait été envoyé, et se rend moins capable de porter la croix quand elle arrivera, qu'il ne l'aurait été s'il lui avait été préparé. C'est pendant ces longues saisons de tranquillité qu'arrive, dans la vie spirituelle, la plupart de ces méprises dont les conséquences sont presque irréparables. Quelquefois nous croyons avoir atteint la hauteur de la grâce qui nous était destinée, et, en conséquence, nous persistons à y rester, malgré les inspirations que nous ressentons pour des choses plus élevées, et auxquelles nous résistons, prenant de salutaires attraits pour des tentations dangereuses. Nous pouvons ainsi détruire tout le plan de notre sanctification. Quelquefois nous nous imaginons que notre tranquillité est due à la nonchalance, à la fatigue, au manque de ferveur. Nous négligeons les opérations de la grâce qui se poursuivent dans nos âmes au-dessous de la surface de ce calme apparent. Nous nous retirons, par un fatal effort, de la carrière dans laquelle nous étions destinés à courir, et nous adoptons une vie spirituelle d'après un type et une forme à nous. Il est moins dangereux d'être sans direction spirituelle dans les temps de progrès, de troubles et de changements, que pendant ces longues saisons de paix comparativement exemptes de tentations. Il ne pourrait y avoir en nous de tiédeur, de confiance en nous-mêmes, de rechute, d'oisiveté, si nous nous rappelions seulement que notre repos apparent n'est simplement que le silence qui précède l'arrivée d'une grande croix. Car, dans une telle pensée, notre temps de tranquillité serait pour nous, à la fois une période de repos en Dieu, et, en même temps, de préparation ardente et craintive à quelques nouvelles manifestations de celui qui, nous le savons, éclatera sur nous comme une tempête pour éprouver sérieusement notre mérite. Cette quatrième douleur nous prépare encore à une autre épreuve qui n'est nullement rare dans l'expérience de la croix. Il semble que nous n'ayons jamais un plus grand besoin de la présence consolatrice et des paroles de bonté de notre Seigneur, que lorsqu'il vient de nous charger d'une autre croix. La nature gémit en nous sous ce fardeau, et se sent abattue. Si, au même moment notre vie surnaturelle devient aussi une croix pour nous, comment la supporterons-nous? Et cependant nous avons presque tous éprouvé cette collision d'une croix extérieure avec une croix intérieure. Nous rencontrons Jésus. Il nous donne nos nouvelles croix sans nous adresser une parole, et même, en apparence, sans une bénédiction. Souvent l'expression de son visage ne nous dit rien. Nous anime comme des serviteurs vis-à-vis d'un maître, nous avons simplement à exécuter ses volontés sans autres instructions qu'un signe. Nulle confidence, nulle parole d'encouragement, nulle marque qu'il soit content ou mécontent de nous, aucune marque que nous lui rendions service en acceptant cette nouvelle croix. Aucune preuve qu'il ne soit pas indifférent à ce que nous la portions ou non. Nous n'avons réellement qu'à accomplir un acte d'obéissance matérielle. Jésus ne pourrait nous traiter autrement, si nous n'étions que de simples machines. Et puis, lorsque cette froide et sèche cérémonie, qui a consisté à placer sur nous la nouvelle croix, est terminée, quelquefois Jésus marche à côté de nous sans nous regarder ou sans nous dire une seule parole, comme si nous étions des esclaves qui portent son fardeau, et que nous fussions indignes de son attention. Il est occupé de ses propres pensées, ou bien il craint qu'en se montrant tant soit peu communicatif, il ne nous enfle d'orgueil et ne nous porte à nous oublier nous-mêmes. Bien plus, après nous avoir passé son fardeau, comme un homme délivré d'un grand poids, il continue à marcher légèrement, d'un pas trop rapide pour que nous puissions le suivre, chargé comme nous le sommes. Nous ne pouvons pas marcher du même pas que lui. Peut-être a-t-il l'intention de nous laisser en arrière, à notre place, comme des inférieurs. Peut-être regarderait-il comme une trop grande liberté de notre part de chercher à l'atteindre. D'un autre côté, il peut penser que nous manquons de diligence et de respect si nous nous traînons trop loin en arrière. Puis il s'éloigne hors de vue, sans nous dire quelle route prendre. Nous arrivons à des chemins qui se croisent, et nous sommes dans la perplexité. En outre, comme un supérieur qui en a l'habitude, il fait tout cela si naturellement, et, en apparence, avec tant d'insouciance, que nous ne pouvons deviner s'il a l'intention de nous éprouver, ou s'il agit ainsi par indifférence, mécontentement ou dédain. Cela arrive au moment même où il nous a donné plus de travail à faire, et des charges plus lourdes à porter. C'est ainsi que Marie rencontra Jésus. Cette rencontre se fit en silence. Jésus continua de s'avancer jusqu'à ce que Marie l'eût perdu de vue, et ils se rencontrèrent de nouveau au calvaire. Il n'y a pas dans ce chemin un seul pas que nous ne soyons quelquefois obligés de faire. C'est une épreuve particulière à laquelle il n'y a de préparation possible que l'amour. Plus nous aimerons Jésus, plus nous sentirons de confiance dans son amour pour nous, et, tandis que notre humilité ne sera surprise d'aucune apparence d'indifférence, puisque notre bassesse mérite bien davantage, notre amour nous rendra capables de continuer à nous avancer gaiement et avec calme au milieu de nos souffrances, dans la conviction que le cœur de Jésus et l'expression de son visage parlent d'une manière différente. Il faut aussi nous préparer à trouver qu'une croix conduit à une autre, et que de petites croix mènent à de grandes. La plupart du temps, une croix ne vient pas seule. Les croix se rencontrent dans nos âmes comme à un moment fixe et convenu. Quelquefois, surtout après des intervalles de longue tranquillité et d'inaction apparente de la grâce, nous passons soudainement dans une région de croix, de même qu'à certaines périodes de l'année la Terre traverse une région d'étoiles filantes. Ensuite, les croix se succèdent rapidement les unes aux autres, elles viennent tantôt une à la fois, tantôt deux ensemble, ou bien deux ou trois à la fois, de sorte que nous pouvons à peine rester debout. Quelquefois une tempête de croix s'abat tout droit sur notre visage comme une grêle violente, et nous frappe si cruellement que nous pouvons à peine avancer, ou que du moins nous éprouvons la pénible sensation de ne pouvoir le faire. Quelquefois les croix nous atteignent par derrière, et si nous marchons sans précaution, nous trébuchons et nous tombons. Et qui ne sait, hélas, qu'une chute avec une croix sur nos épaules, quoiqu'elle semble plus pardonnable, nous blesse toujours plus grièvement qu'une chute sans croix? C'est la loi la plus cruelle de la vie spirituelle. Quelques hommes ont apporté une seule croix durant toute leur vie, et d'autres croix ne paraissent pas s'ajouter à celle-là, mais cela revient au même, car le poids de leur fardeau n'est pas constant. Quelquefois, lorsque nous sommes ainsi chargés de cette croix unique, la route devient plus raboteuse, La chaleur du jour est plus grande. D'autres fois, nous sommes nous-mêmes indisposés, timides et faibles. Il arrive encore que, par une sorte de miracle et sans que nous puissions y assigner une cause, la croix devient plus lourde et nous harasse comme elle ne l'avait jamais fait auparavant, et, comme la raison de cette aggravation est cachée, le remède l'est aussi. Cette croix de toute la vie, même lorsque son poids est le plus constant, et qu'elle n'est pas accompagnée d'autres, est de toutes les épreuves la plus pénible à supporter. Il y a tant d'inconstance dans notre nature, que changer un châtiment en un plus dur est un véritable relâche. La satisfaction que nous cause un changement est pour notre nature un bien plus grand que ne l'est le mal qui résulte d'un accroissement de violence dans nos souffrances. Ce qui est terrible pour nous, c'est d'être enchaîné à une uniformité continuelle. C'est en cela que consiste l'héroïsme secret des vœux. Qui n'a, dans la maladie, senti du soulagement lorsque la souffrance a passé d'un membre dans un autre. Il en est ainsi, et d'une manière plus vraie encore, à l'égard des souffrances de l'âme. Il faut que celui qui porte une croix pendant des années, et qui la porte jusqu'au tombeau, soit un des saints cachés de Dieu, ou il faut qu'il reste à un degré de vertu peu élevé aussi voisin de la tiédeur que cela est compatible avec le salut de son âme. Mais quelquefois la croix unique de toute notre vie reste sur nos épaules, seulement comme le fondement d'un véritable édifice de croix que Dieu bâtit, renversé et rebâti sans cesse sans jamais déplacer la première. Il y a des âmes sur lesquelles Dieu semble continuellement faire des expériences et des essais jusqu'à la fin. Mais il y fait un travail réel. Par là se trouvent réunies dans ces âmes les deux souffrances de la monotonie et du changement. En elles, toutes les époques de la vie sont représentées d'une manière variée par les amas transitoires des croix, tandis que la croix permanente est le fondement profond de toute leur vie. Les hommes pour lesquels il en est ainsi parcourent le monde non seulement comme des monuments dignes de notre admiration et de notre étonnement, mais comme des sources vivantes de dévotion. Ce sont des hommes puissants, car c'est à l'intercession secrète de telles âmes que sont dus tous les renouvellements spirituels sur la terre. Il n'est pas rare que ces hommes portent pendant un certain temps l'Église entière au sommet de leur croix. Ils sont des monuments de l'amour de Dieu, car en eux nous voyons la révélation complète de cette grande vérité, qui, dans sa mesure, en est une aussi pour les plus petits parmi nous, que la croix n'est jamais un châtiment seulement, mais toujours en même temps une récompense, et que l'abondance de l'amour de Dieu pour chaque âme créée, est mesurée par la quantité des croix qu'elle reçoit. La quatrième douleur nous enseigne encore une autre leçon. Jésus et Marie suivent une seule et même route, cette route pourrait-elle être autre que celle du ciel? Cependant la route qu'ils suivaient passait sur le calvaire. Nous devons en conclure que nul n'a le visage tourné vers le ciel, s'il ne l'a tourné vers le calvaire. Dans la vie, que nous le sachions ou non, nous marchons toujours vers une affliction. Au prochain détour de la route nous attend la mort imprévue de quelqu'un que nous aimons, ou la rupture d'un cercle dans lequel notre existence même paraissait enfermée, ou quelque disgrâce sur laquelle nous n'avions jamais compté. Nous avons quelque chose en vue pour l'été prochain, et nous nous réjouissons à la pensée de ce que nous accomplirons alors de bon et d'heureux. Mais un lit de douleur nous attend caché sur notre chemin, et le soleil d'été n'éclairera qu'une triste et impuissante convalescence. Les longues nuits d'hiver doivent nous trouver au milieu d'une occupation que nous regrettons d'avoir trop longtemps différée. Elle doit amener tant de bien, procurer tant de gloire à Dieu, tant avancer notre propre sanctification. Mais avant que le jour le plus court soit arrivé, toute notre vie est changée. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Le bien ne serait plus alors le bien, ou les moyens de le faire se sont échappés de nos mains. La perte de l'occasion est un malheur pour nous. Le délai par lequel nous l'avons perdu en est un encore plus grand. Un bien qui peut être fait maintenant, ne peut jamais l'être plus tard. Ce qui serait bien demain, soyez-en certains, ne le serait pas aujourd'hui. Dieu change les choses quand il change les temps. C'est là la raison pour laquelle les hommes qui n'ont pas de ponctualité, et qui ont l'habitude de remettre au lendemain, ne sont jamais saints, qu'ils sont rarement affectionnés et toujours égoïstes. Ainsi la vie s'écoule, et nous construisons nos propres afflictions par notre manque de diligence. La dévotion ne signifie qu'une chose en théologie, elle veut dire promptitude. Quelquefois cependant nous voyons l'affliction vers laquelle nous marchons. Des deux cas, peut-être celui-ci est-il le plus commun. Nous savons d'une manière presque certaine qu'une maladie nous reviendra à une époque particulière de l'année. Ou bien nous avons à faire un travail inévitable, et l'expérience du passé nous apprend que la souffrance qui en résultera est aussi inévitable que le travail lui-même. Ou bien encore nous nous penchons au-dessus d'une sœur ou d'un enfant dans lequel la phtisie s'ouvre lentement sa route fatale. Une perte dont nous ne pouvons supporter la pensée nous menace sans cesse. Le malheur que nous redoutons peut arriver au printemps prochain ou au printemps de l'année suivante, ou bien ce sera à la chute des feuilles, cette année ou l'année suivante. Peut-être une forte gelée détruira la fleur cet hiver, ou une artère se rompra cette nuit pendant le sommeil. Voici un fils qui a consacré tout le temps de son âge mûr à une mère veuve et âgée, ou une fille tellement attachée à son père dont la santé décline, que toute sa vie elle n'a jamais pu se délivrer des soins du foyer de son enfance, et que jusqu'à la fin elle est restée plus fille qu'épouse, plus fille que mère. Dans l'un et l'autre cas, le fils et la fille ont devant eux une affliction inévitable, inévitable s'ils vivent eux-mêmes, inévitable selon le cours de la nature. Cette affliction est une œuvre du temps, et d'un temps qui ne peut être long. Dans la plupart des cas, ces afflictions prévues sanctifient plus que celles qui ne le sont pas. Couvert d'ombre, la vie devient plus douce, elle devient plus céleste pendant l'éclipse de la terre. L'affliction prévue s'accorde mieux avec les lois ordinaires de la grâce, c'est un procédé moins périlleux que ces terribles surprises qui font les saints comme se fait la monnaie, par un seul coup violent, par une seule et dure pression quand le métal sort du feu. Qu'ils sont heureux, et puissent-ils connaître leur bonheur, ceux qu'une affliction visible attend toujours à quelque distance en avant sur leur route. C'est ainsi que le chemin a été préparé pour la grande majorité des prédestinés. Ainsi la quatrième douleur renferme tout le mystère de Jésus portant sa croix, et nous enseigne à porter les nôtres. C'est là la sagesse que nous apprenons en contemplant Marie dans les rues de la cruelle Jérusalem. Par l'œil de son âme, Marie voit dans le temple l'enfant à la blonde de chevelure qu'elle cherchait plus de 20 ans auparavant, tandis que les yeux de son corps sont fixés sur l'homme pâle, sanglant et souillé de boue, qui marche au supplice au son de la trompette, au milieu du concert des malédictions de la terre. Et nous, qui avons donné à Jésus cette lourde croix à porter, qui avons si longtemps pesé dessus après la lui avoir donnée, comme si notre cruauté n'était pas satisfaite, refuserons-nous de porter les croix douces et fécondes en grâce qu'il attache sur nos épaules, ces croix si légères, qu'après les avoir portées quelque temps, nous sommes forcés de confesser qu'elles ne pèsent pas? Oh non, faisons maintenant ce que Marie fit alors. Regardons celui qui est devant nous sur la route, et voyons comme la beauté du Sacré-Cœur siège avec une douce majesté et un amour plein d'attrait sur ce visage défiguré par la douleur. Markemdanarchive.org. D'après la numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.